avec sa grande soeur, on a fait venir sa cousine. Donc dans ce cas, la messe devient comme un tremplin pour se distraire dans une période de temps. C'est-à-dire que tu peux demander à quelqu'un, attends-moi juste 15 minutes. Après. 46 minutes la première. Oui. Ouais. Parce que, tu es sûr qu'à telle heure, tu vas vous retrouver. Je suis allé la première fois que je vais aller dans un mois en Allemagne. Oui. On a fait venir la soeur de Carole, sa cousine. Mmh. Elle part dans son livre. Elle est aussi chez elle. Mmh. Elle vit quelque part ici. C'est moi qui ai tout fait pour cette fille. Jusqu'aujourd'hui. Mmh. Carole avait cherché un travail de nettoyage pour elle. Mmh. Elle nettoyait dans une maison. Et la maman de la maison est décédée. Mmh. On l'a invitée à l'enterrement. Mmh. Le jour où on arrive à l'enterrement, on dit que l'enterrement c'est à 10h. Mmh. On est arrivé là-bas peut-être vers 9h45, on était assis comme tout le monde. Parce que dans chaque cimetière ici, il y a une petite chapelle. Mmh. Et le gêne que ceux qui sont invités, c'est pas que tu entends au cas où, dans le camp, on ne pleure pas, on ne se met pas. C'est après peut-être 3 mois que tu entends que quelqu'un était décédé. Donc rien de ça, vous avez personne ne pleure. Non. Tu déranges les gens. Les gens disparaissent comme ça. Ton voisin peut mourir là, tu ne sais pas, peut-être tu vas avoir seulement l'ambulance. On vient porter le corps, ça. Terminé. Notre voisine d'en face est décédée ici. Non. Et son grand frère vivait quelque part ici. Là. Oui. Aussi, son là, grand frère ne savait pas. Son grand frère, c'est lui parce que c'est après quelques jours qu'on a appelé les sapeurs-pompiers sont venus prendre le corps, partir et puis on a désinfecté la maison et tout. La voisine d'en face. Et la voisine, comme ça, elle vivait seule. Oui. Quand il y a la neige, il y a le plan qui est asphyxié là-dedans. Là. Oui. Quand il y a la neige, non, ou bien on dit que c'est ta semaine pour nettoyer la neige. Oui. C'est quand je suis arrivé ici, frère Junior, je lui ai dit, peut-être que la France était déjà, comme vous disiez hier soir, c'était depuis l'époque, ou bien dans l'homme, quand vous étiez prédestiné et je ne savais pas. T'as su, la femme là, finalement, c'est à moi qu'elle disait bonjour ici. Parce que quand je suis arrivé ici, il y a le plan affiché. Mmh. Bon, c'est ton tour de nettoyage. Quand la neige tombe, c'est toi qui nettoies telle semaine. Mmh. Elle était âgée. Et nonobstant que tu sois âgé ou sois malade ou pas, tu es censé nettoyer. On ne peut pas savoir. Quand ça arrive son tour, je vois la mère là. Elle n'était même pas trop âgée comme les autres. Oui. Je la vois ici en train de nettoyer. C'est alors que je me suis approché de elle. J'ai dit que maman. Quand on mettait nos choses ici dedans, ça a fait du bruit. Mmh. C'est elle la seule qui est sortie ici là. Elle a crié sur tous les toits, appelé tous les voisins pour dire que les Africains sont encore venus, ils font du bruit. Maman a dit, c'est pas bien. Je lui ai demandé pardon. Quelques mois après, il neigeait. Je l'ai vu là-dedans, en train de nettoyer. Je suis sorti de moi. Depuis que je suis là, il faut savoir que c'est fini. Ton tour de nettoyage, c'est moi qui fais. Donc tu lui as dit que c'est ton tour de nettoyage, à son tour de nettoyage, chaque fois, c'est toi désormais qui dois faire. C'est moi qui dois faire. Mmh. Je dois malgré le cri qu'elle avait fait au-dessus de toi. Non, je ne vois pas ça. C'est moi qui dois faire ça. Parce que chez nous, on ne peut pas laisser une maman comme toi faire comme ça. Une maman comme toi ne doit pas faire les choses comme ça. Elle me dit, comment tu dis, frère? Je te le dis. Donc, une maman de son niveau, n'est-ce pas, est supplice de cette direction. Imagine même pas, parce que généralement, d'autres moments, quand tu offres cette aide, elle te dit non. Elle a peur. Bien veut te payer. Parce que tout est normal, normalement, tous les services sont normalement payés. Même quand tu vois une maman qui est tombée, une fois une maman est tombée dans, à hauteur de moi, elle saignait. J'ai voulu la relever, elle dit non. Elle pourquoi dit non. C'est comme toi, elle demandait l'argent pour parce que c'est une question. Mais quand tu vas voir quelqu'un, je te le soulève gratuitement. Donc tu dis d'abord que ton service est gratuit. Elle te dit non, parce qu'elle ne croit pas. Elle se demande qu'est-ce que motive à le faire. Pourquoi tu dois le faire? Donc il y a vraiment un élément, l'élément amour. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Non, il ne comprend pas comment tu peux l'aider. Voilà. Tu vas l'aider pourquoi? Ici c'est l'individualisme. C'est ça, individuel. Quand tu vois une maman prendre le taxi chez nous, tu vois comment elle est en train de se battre que le taximan diminue 25 francs. Arrive ici dans le supermarché. Peut-être, si tu veux, on va faire les courses demain ensemble. On arrive à la caisse. Une maman est devant nous. Si elle paie ses choses, un sentiment. Tu vas ramasser ça. Tu dis que maman, pardon, laisse comme ça, je vais payer les 1 centime. Non, j'ai remarqué cela. J'ai remarqué. En Suisse, on a fait un cas comme ça. Elle va refuser. Elle va prendre ton argent. Alors, même quand vous êtes marié, vous savez, quand vous allez. À deux. On divise, voilà. Chacun paye sa part. Et ça, c'est dans le foyer. Même dans le foyer, il y a l'individualisme. L'Allemand achète sa voiture, il va lancer à sa femme.

préparer un cocktail Molotov pour pouvoir faire exploser la population. Voilà. Pour pouvoir, n'est-ce pas, justement, mettre la population sur le plan spirituel. Mais là, il y a un paradoxe sur le plan physique. Il y a sur le plan physique un paradoxe qui semble entendre. D'une part, les Allemands de souche aiment les Allemands de souche et ne veulent pas les Africains. Voilà. Comment donc ils ouvrent cette brèche-là par rapport au mariage pour qu'une Allemande, jusqu'à ce qu'une Allemande commence à aimer un noir et accepter de l'épouser? Comment? Il y a cette brèche. Très rapidement, non, et puis lui, prend la parole. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, d'une manipulation médiatique. Oui. Alors, si tu vois le spot tout le temps, comment il dit Welcome to the migrants, il faut à ce que tu aies pitié, en fait, que tu aies, n'est-ce pas, ce penchant pour aider. Oui. Et les Allemands, par moment, quand tu les manipules, oui, tu vois, tu touches justement le cœur, enfin, tu les touches à un niveau où elles sont prêtes à faire tout. Oui. Même à se mettre avec un noir. Non, il croit que dans ces laboratoires, comme ça, on le voit, maintenant, il y a quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que tout à l'heure, il a parlé de son mari avec une blanche. Frère Junior. Oui. Je vais vous répondre très clairement à cette réponse. Oui. À cette question. Oh. Le problème, c'est que, d'après mes expériences, oui, un vrai blanc ne marie pas un Africain. Justement. C'est pour ça qu'il dit que c'est un paradoxe. Oui. Un vrai blanc ne marie pas un Africain. Pourquoi? Parce que nos deux cultures d'abord sont incompatibles. Voilà. Il y a d'abord ça. Mm-hmm. Et de deux. Ça veut dire que malgré qu'ils soient dans leur culture et que les cultures créent des problèmes, ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres cultures. Non, pas qu'ils ne veulent pas s'ouvrir. Je vais te dire pourquoi. Allez, tu as posé la question. Oui. Pourquoi alors les blancs marient les noirs? Malgré c'est... Je vais te répondre très clairement. Mm. C'est que un vrai blanc ne marie pas un Africain. Mm. Un blanc qui marie un Africain, c'est de ce blanc-là a des problèmes. Il y a des intérêts aussi à choisir. Voilà. Et le blanc, le noir qui marie un blanc, parce qu'il a les problèmes, qu'il a les problèmes de papier. Mm-hmm. Donc ce n'est que partie de mise, donc c'est intérêt. C'est intérêt. Oui. Donc le blanc qui épouse le noir, oui, quand tu regardes bien, oui, c'est que dans sa société, oui, il est rejeté. Oui. Il n'a plus de chance. Donc il n'a plus de chance. Oui. Il est vieux. Parce que le blanc fonctionne comme ceci. Quand tu vois le blanc ici avec une femme, oui, tu vas trouver que quand tu regardes bien, ils ont approximativement même âge. Même âge, ils sont vus ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait la maternelle ensemble, mm-hmm, ils ont fait le lycée ensemble. Ils sont allés à l'université ensemble. Donc quand ils sont nés, mm-hmm, ils ont commencé à aller au vélo ensemble, à natation. Après maternelle ensemble, jusqu'à ce que. Même la piscine, elle a vu presque. Donc c'est comme ça. Mais lorsque. À cette période-là, mm-hmm, tu as raté, mm-hmm, de connaître une fille. Mm-hmm. Là où tu vas retrouver que celui-là est seul. Mm-hmm. Alors le moment venu, il ne sait plus s'ouvrir à une autre personne. Il ne peut pas aller comme ça. Comme par exemple, nous on marche en route, nous sommes civils. Mm-hmm. Tu vois peut-être une femme qui marche avec. Mm-hmm. Le, c'est la drague. Eux ne font pas ça. Non. Si c'est l'insulte, mm-hmm, c'est-à-dire que tu considères une personne comme une prostituée, mm-hmm, pour te porter plainte. Mm-hmm. Non, on ne fait pas ça. Mm-hmm. On ne peut même pas oser. Donc, il disait que. Dans ça, étant dans la détresse dont maintenant, c'est voilà, là où il se jette sur les Africains. C'est les Africains. Mm-hmm. Que, au lieu que je meurs seul, mm-hmm, au lieu que je meurs seul, je préfère prendre un travail. Ils sont bravés par les Africains. Voilà. Mm-hmm. Donc, le blanc, quand tu regardes bien, le blanc qui épouse un Africain, mm-hmm, tu vas trouver que, hein, peut-être parce qu'il est rejeté par la société, il n'a pas trouvé sa part. Mm-hmm. De deux, tu vas trouver que soit il était marié, il est enclavé avec des crédits. Mmh. Et c'est la personne qui va l'aider à payer. Amen. Donc, toi qui viens maintenant à le noir, peut-être que tu as dit là. Mmh. La seule solution pour changer son statut, c'est de marier et de te marier. Mmh. Soit tu commences à chercher que peut-être que celui-là t'enceinte, mmh, ou bien tu te maries pour avoir le papier. Mmh. Après, bon, quand les gens vont te marcher là avec un blanc, tu vas dire, ah, elle est mariée. Et par conséquent, un Africain qui a 20 ans peut aller accepter un maman de 70 ans. Oui. Pour épouser. Ouais. C'est ça, c'est même rien, 80 ans. Tu vois même à la gare là, mm-hmm, j'ai vu une scène là. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Les questions là, justement. Il y a un Sénégalais. Et le problème, c'est que quand vous vous mariez comme ça là, oui, vous marchez en route. La blanche, c'est vente. Elle veut que les gens sachent que c'est elle qui t'a. Et qui est. Qui est ta tanga. Amen. Mm-hmm. Donc,